Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesso, J. de Gigor, éditeur, 1913. Note. Supplémentaire sur les deux examens de conscience. Examen particulier. 1. Il y a ordinairement dans tous les hommes, un vice ou mauvais penchant que l'on peut appeler dominant, et qui est en eux la cause et comme la racine de toutes leurs fautes. Et supposer que quelqu'un reconnût en soi plusieurs de ses inclinations ou défauts, il serait néanmoins utile d'en choisir un en particulier et de l'attaquer de toutes ses forces. Après l'avoir extirpé, on s'appliquera de la même manière à vaincre successivement les autres. Tel est le but de l'examen particulier, dont la pratique ne doit pas se borner au temps des exercices, mais s'étendre à toute la vie. Cependant, on le commencera pendant les exercices afin d'en acquérir quelques usages, et parce qu'il doit se faire sur les exercices mêmes et sur la fidélité aux additions. Cet examen est d'une grande utilité, surtout pour acquérir la pureté du cœur, comme l'enseigne Cassien, Conférence 5, et Saint Bernard en plusieurs endroits, Directoire, chapitre 13, numéro 2, 3, 4, 5. 2. L'examen particulier est-il difficile, pris en lui-même ou objectivement? Il n'est pas plus difficile que la méditation ou tout autre exercice de piété, la difficulté qu'il pourrait offrir ne serait donc que subjective, c'est-à-dire qu'elle n'aurait sa cause que dans nos dispositions personnelles, dans notre inconstance, par exemple, dans la légèreté ou la mobilité de notre esprit. Disons cependant, et nous serons dans la vérité, que l'examen particulier est quelque chose de sérieux, car il suppose en premier lieu, dans celui qui veut le faire avec fruit, une certaine connaissance de lui-même. Il arrive souvent que l'on fait son examen particulier sur des défauts extérieurs, c'est en effet par là qu'il faut commencer, surtout lorsque ces défauts sont notables et édifient mal le prochain. Mais ce n'est là qu'une préparation à un examen plus grave. Il n'est point d'effet sans cause, ces défauts extérieurs sont des ruisseaux, il faut donc remonter à leur source. Il faut la chercher au fond de son âme, et ne point s'arrêter qu'on ne l'ait découverte et qu'on ne puisse dire, le mal est là. Afin de procéder avec quelque succès dans cette recherche, il est bon de savoir que l'homme, a ordinairement les défauts opposés à ses bonnes qualités naturelles, ainsi la douceur deviendra souvent de l'indolence, et la fermeté ira jusqu'à la dureté. Le défaut dominant tient donc au fond même du caractère, nous reviendrons bientôt sur cette pensée. L'examen particulier suppose en second lieu du courage, car il faut du courage pour s'attaquer soi-même dans ce qu'on a de plus intime, dans ce qui est inné en nous. Dites à une personne qu'elle est impérieuse et altière, et que c'est là son défaut dominant, c'est ma nature, répondra-t-elle, puis-je me refaire? Cette personne, en disant que son défaut dominant est sa nature, dit une grande vérité, mais en croyant qu'elle ne peut pas corriger et réformer sa nature, et que par conséquent elle ne doit pas même essayer de le faire, elle se trompe. C'est en effet la nature elle-même qu'il faut attaquer, parce qu'elle est la source qui alimente tant de ruisseaux infects, le tronc qui nourrit tant de branches malades chargées de mauvais fruits, et c'est seulement lorsque nous en venons à nous attaquer nous-mêmes directement, que nous commençons à faire quelque chose, avant cela, les gains sont petits. En troisième lieu, il est impossible de bien faire l'examen particulier, c'est-à-dire de la manière que le demande Saint Ignace, sans pratiquer les vertus de vigilance sur soi-même, de recueillement intérieur, de mortification des passions, en un mot sans des efforts généreux et constants. Et c'est pour toutes ces raisons que nous disons que l'examen particulier est quelque chose de sérieux, bien qu'il ne soit pas difficile considéré en lui-même, car la loi du Seigneur n'est point pesante. 1 Jean 5 3 3 L'examen particulier est efficace. Premièrement, parce que l'homme, comme nous venons de le voir, y attaque ses véritables ennemis, secondement, parce qu'il les divisa pour les vaincre les uns après les autres, troisièmement, parce qu'il suppose dans celui qu'il entreprend une volonté ferme et invariable de ne point se désister de son entreprise appuyée sur le recours de la grâce, il dit avec le roi prophète, « Je poursuivrai mes ennemis, et je les atteindrai, et je ne retournerai point qu'ils ne soient détruits. Je les briserai, et ils ne pourront tenir contre moi, et ils tomberont sous mes pieds, et vous m'avez revêtu de force pour la guerre. » Psaume 17, 38. 4. L'examen particulier demande l'homme, spirituel tout entier. L'ennemi de notre perfection se rit de nos résolutions vagues et indéterminées, il sait par expérience quel en est le résultat. Si celui qui prend des résolutions généreuses ne laisse pas de tomber souvent, que sera-ce de celui qui n'en prend que rarement, ou d'une manière moins déterminée? Imitation de Jésus-Christ. Or, l'examen particulier n'est point une résolution vague, c'est la résolution la plus spéciale, et par conséquent la plus efficace que nous puissions prendre. Il attaque en effet cette nature que l'on a beau chasser même avec la fourche, dit un poète profane, et qui revient sans cesse. Elle se cachera quelquefois des années entières pour vous donner le change, elle n'est point moite, elle n'est qu'endormie. Cessez de veiller sur vous-même, de vous défier de vous-même, et bientôt cette nature, je veux dire votre défaut dominant, se réveillera plus puissante et plus forte, et vous attaquera avec plus de violence que jamais. Car les défauts particuliers de l'homme, croissent en lui avec l'âge, et c'est quelquefois à un tel point, que l'on dit de certaines personnes, même adonnées à la piété, mais peu habituées à se vaincre elles-mêmes, qu'elles sont insupportables. Mais si l'examen particulier attaque le fond même de notre nature, faut-il s'étonner qu'il demande l'homme, tout entier? Conclusion. Si vous voulez devenir parfait, connaissez-vous vous-même, attaquez votre défaut dominant au moyen de l'examen particulier, selon la méthode que vous présente ici Saint Ignace. Nous devons toujours nous proposer quelque chose de fixe, et surtout contre ce qui met le plus d'obstacles à notre perfection. Imitation de Jésus-Christ. Rarement nous surmontons parfaitement nos défauts. Si nous déracinions chaque année un seul vice, nous deviendrions bientôt des hommes parfaits. Imitation de Jésus-Christ. Examen général. L'examen général doit se faire tous les soirs, et c'est une pratique commune à toutes les personnes vraiment désireuses de leur avancement dans la vertu. Plusieurs cependant y rencontrent des difficultés. Ils trouvent cet exercice aride et monotone, ce qui fait qu'ils s'en acquittent d'une manière superficielle, sans goût, sans fruit, puis, qu'ils l'omettent quelquefois, puis enfin qu'ils finissent par l'abandonner entièrement. La méthode présentée ici par Saint Ignace remédie à cet inconvénient, en répandant une certaine variété sur l'examen de conscience, qu'elle divise en 5 points, bien propres à aider, à consoler et à fortifier l'âme. Il ne sera pas inutile de faire quelques observations sur chacun de ces points. Premier point. Rendre grâce à Dieu des bienfaits que l'on a reçus. Peu d'auteurs, s'il en est, nous apprennent à commencer l'examen de notre conscience par un acte de reconnaissance. Cependant, quoi de plus consolant et de plus encourageant que le souvenir des bienfaits divins et quand l'homme, A-t-il plus besoin de courage qu'au moment de demander compte à son âme de ses négligences et de ses infidélités, de faire la recherche et l'examen de ses faiblesses? De plus, la pensée de tant de bienfaits m'aidera, dans le quatrième point, à comprendre mon ingratitude. Second point, demander la grâce, etc. Moins par quelques prières vocales que par la prière du cœur. Il arrive souvent que les formules récitées de mémoire engendrent une routine qui dessèche l'âme. Le cœur au contraire a des manières de prier qui varient à l'infini, il ne se répète jamais. De connaître ses péchés, et de les bannir de son cœur. Il ne suffit pas de connaître nos péchés, il faut les détester, il faut les chasser de notre âme et les traiter comme des ennemis auxquels on ne fait point de quartier. Troisième point. Demander compte à son âme. Cet examen doit se faire avec soin, mais sans anxiété. Il n'excédera pas de beaucoup la cinquième partie du temps consacré à tout l'exercice, puisqu'il n'est qu'un des cinq points. Un grand nombre de personnes réduisent presque l'examen de conscience à ce point unique, ce qui est la cause du dégoût et de l'aridité qu'elles y éprouvent, du peu de fruits spirituels qu'elles en retirent, et souvent de leur défaut de persévérance, comme nous l'avons dit au commencement de cette note. Quatrième point. Demander pardon à Dieu, en s'excitant à la douleur de ses fautes, la douleur a la vertu d'effacer le péché, que notre douleur de chaque jour efface donc nos offenses de chaque jour. Cinquième point. Former la résolution de se corriger, avec le secours de la grâce. Ce dernier point est sans contredit le plus important de tout l'examen, et peut-être ne le comprend-on pas assez dans la pratique. En effet, pourquoi faisons-nous l'examen de conscience? Pour connaître nos défauts, je l'accorde, mais encore, pour les détester. Rien n'est plus juste, mais enfin je ne m'applique à connaître mes défauts que pour m'en corriger, et, pour y parvenir, j'ai besoin de renouveler chaque jour le ferme propos de ne plus retomber dans les mêmes fautes. La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès, dit l'auteur de l'Imitation, ce qui est très certain, dans le sens que nous restons souvent en deçà de nos résolutions, mais que rarement nous allons au-delà. Si celui qui prend de généreuses résolutions, continue le même auteur, ne laisse pas de se relâcher souvent, que sera-ce de celui qui n'en forme que rarement, ou d'une manière vague et indéterminée? Si vous ne pouvez pas vous recueillir continuellement, faites-le de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Variante, au moins deux fois le jour, le matin et le soir. Le matin, prenez des résolutions, le soir, examinez votre conscience, et voyez quelles ont été en ce jour vos paroles, vos actions et vos pensées, car en tout ceci peut-être vous avez beaucoup offensé Dieu et le prochain. C'est ainsi que chaque jour nous devons renouveler nos bonnes résolutions, nous exciter à une nouvelle ferveur, comme si notre conversion ne datait que d'aujourd'hui, et répéter du fond de notre cœur, « Aidez-moi, mon Seigneur et mon Dieu, dans la sainte résolution que je prends de me consacrer à votre service, accordez-moi la grâce de commencer aujourd'hui parfaitement, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » Imitation de Jésus-Christ. Avec le secours de la grâce, condition absolument nécessaire. Les bonnes résolutions des justes sont plus fondées sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse, et c'est toujours en lui qu'ils mettent leur confiance dans toutes leurs entreprises. Imitation de Jésus-Christ. Voyez dans le même sens la fin de la première note, sur l'examen particulier. markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto,